طيب الخميس قلنا من أفعلنا تمام ندخل في الجزء الثاني من الدرس رمضان والعمرة الآن ما يتعلق بالعمرة وهو آخر درسنا إن شاء الله طيب أولا كلمات جديدة قصر يقصر معنى عكوسير et justement en coupant les cheveux là couper les cheveux c'est pas rasé encore ah c'est rasé muhrimun al muhrim c'est celui qui est en état de sacralisation puis le hajj ou l'omra tawfa yatufu C'est tourné autour. Kafil Hajj ou l'Omra, Tatoufou Hawl al-Kaaba. Et Tawaf, Al-Masdar. Ils appellent ça circumambulation. C'est le plus beau tournant, Tawaf ? À la base, ouais. Mais là, ils veulent Tawaf l'Omra, autour de la Kaaba. الكعبة معروف أشواط هذا جم شوط c'est le pluriel de شوط qui veut dire une étape un circuit aussi مقام eux ils veulent مقام إبراهيم في الحرام يعني لليو إبراهيم ستنو لبو زمزم معروف قبل يقبلو ساسي عمغاسي عمغاسي الحجر الأسود فسلا بيانوا زحام La foule. Quoi de Marovina Zihan. Zihan, c'est la foule. Allez, au bondé de monde. Ahrama yuhrimo, c'est le fait de rentrer en état de sacralisation. Ou al-muhrim, c'est l'isme fa'il. De Ahrama yuhrimo. As-sa'i, c'est le je sais pas comment vous appelez ça, entre Safa et Marwa, quand les gens s'accourent entre les deux montagnes. C'est pour ça qu'on a fait le Hajj ou l'Omra, ils savent. La harama, c'est rendre haram. Non, là, c'est rentrer en état de sacralisation. Et Ihram, c'est le masdar de Ahrama Yuhrimu. Ils auraient dû mettre après. Je ne sais pas comment ils l'ont séparé encore. Ils auraient dû mettre Ahrama Yuhrimu, Ihram et Muhrim. Ils auraient dû tous se mettre ensemble, ça aurait été plus facile à comprendre. Haraqa Yahliku, ça c'est rasé. خلع يحرع سيؤتي انفي سنتقلع ملابسك طريقة الاتمان مثلا شديد فسي دور دور ça peut avoir plusieurs sens tout ce qui amène une certaine dureté ou sévérité ou Un hayubihi, c'est le même mana qu'intaha, takdeban. Finir. Enfin, c'est tout terminé, je crois. Char, c'est les cheveux. Char, les cheveux. Et il a créé le char. On dit char, c'est les cheveux de façon générale. Et pour dire un cheveu, tu rajoutes un peu par le bouton. Char, alors. Mouta'akhiran, c'est le contraire de Moubakiran. Adaks Moubakiran. Mou'tamir, c'est celui qui fait la Umra. Al-Mou'tamir, c'est celui qui entreprend une Umra. Bardoum, c'est le froid. Nashara yunshuru, propager, diffuser. Nashara yunshuru. Khabaroun, khabar, c'est l'information. Naql, naql, à la base c'est transport ou déplacement. El naql ou el jama'i, c'est le même sens que el muwasal al am. C'est transport en commun en fait. Transport en groupe. Sayyara, ma'louf. Hawla, c'est autour. Hawla, c'est autour. El arabiya, ce qui est par là, c'est el loratu el arabiya. Arab. Khabar, c'est l'information. Non. Taqabbala, il ne voulait pas dire accepte comme l'accepte. Là, c'est taqabbala. Oui, taqabbala. Ah, oui, non. Mais taqabbala, c'est que l'accepte, comme c'est écrit en dessous. Taïb, Ismaïl ou Ahmed. Enta Ismaïl ou enta Ahmed. لقد حدثتني لقد حدثتني عن الصيام فحدثني فحدثني عن العمرة. Donc tu m'as déjà parlé du jeûne, alors parle-moi de la Umra. نعم اسمع حدثت طائرة في جدة جدة وقد لبست ثياب الإحرام ثم اتجهت الى موقف سيارات. Donc il dit d'accord, naam, oui. Écoute, l'avion atterrit à Jidda et j'avais déjà revêtu le vêtement de l'Ihram. Ensuite, je me suis dirigé vers la station des voitures, le parking, quoi. Donc il dit si tu es rendu par le car, on vient par le taxi. Quand on met M entre deux choses, c'est pour exprimer un choix. ذهبت بحافلة نقلي نقل جماعي حتى وصلت حرام. Donc il dit je me suis rendu, j'ai été par le bus de transport en groupe jusqu'à ce que je parvins au Masjid al-Haram. De quelle porte es-tu rentré? سبعة أشوتي ثم صليت ركعتين خلف مقام إبراهيم وشريت من ماء زمزم. Donc je suis rentré au Haram par la porte Salam. Ensuite j'ai fait les tours autour de la sept tours autour de la Kaaba. Ensuite j'ai fait deux rak'ah derrière le maqam Ibrahim. C'est le lieu où Ibrahim se tient debout, là où c'est traces.

et vos paroles de verbe. Thaminan, al-lughat al-arabiyya ta'allamta am al-lughat al-turkiyya? Donc, est-ce la langue arabe que tu as appris ou bien la langue turque? Qal, ta'allamtu al-lughat al-arabiyya. J'ai appris la langue arabe. Thaniyan, an jalt al-tatbiq. Maintenant, il faut appliquer. Thaniyan, kawin jubalan kama fil namouzaj. On propose des phrases comme dans l'exemple. Yakul, tusafiru bil-qitar bil-ta'ira. Ensuite, c'est devenu abil kitar safarta tusafiru afwan am bil-ta'ira. Donc, tu voyages par train ou par avion. Donc, on fait pareil que les mots de l'effraction en dessous. Al jumal oula. Abil kahwata tashrabu bil shay. Là, pourquoi tu as mis un bi? Abed. تركبوا الحافلة سيارات الأجرة. سيارات الأجرة. لا. نعم. الحافلات تركبوا أم سيارات الأجرة. سيارات. أم سيارات الأجرة. نعم. ثالثا تأخذوا العلاج في المستشفى في منزل. Tu prends médicament à l'hôpital ou à la maison. أفي المستشفى تأخذ العلاج أم في منزل. نعم. رابعا تصعد إلى التابق الأول التابق الثالث. Tu montes premier étage deuxième étage troisième étage. التابق الأول أم تصعد إلى الطابق الثالث. خامسا تقرأ في المكتبة في الحجرة. في المكتبة تقرأ في الحجرة. في النهار تقرأ إذا ستقرأ. في الحجرة. لجي dans la bibliothèque ou non la chambre la pièce. سادسا تفضل الحليب الفاكهة. Tu préfères le lait ou le fruit. Et pareil, je crois qu'ils mettent une fatha là au verbe là, c'est une dhamma. Tu fais des loups. J'ai une erreur d'impression. Sabian. Tanem ou Mubakiran, Mutaakhiran. Donc tu dors. Tôt ou tard. Non. Tu kaymu il funduk à chaque corps. Donc tu résides dans l'hôtel, l'appartement. Là. Pas l'air en premier. Tu peux le dire, mais c'est pas ce que tu veux. Non. Et là, ils ont pas mis le harfouja, mais ils ont fait le remettre. M. Fi Shaka. Il faut répéter là, le harfouja. J'ai oublié de le mettre. Allez. Thalifan, Kowin, Hiwaran. Fais quoi les jumelatines, mais les jumel Atiya, qui va faire le mousage. Donc, faire des phrases ou une conversation. Allez, à l'exemple de celle qui est citée en dessous. Asalan, Yakul. Al-Mudarris, Hel, Anahit al-Umra. Al-Talib, Yakul, Naam, Anahituha. المدرس يقول متى أنهيتها؟ الطالب يقول أنهيتها بعد عشاء. Donc on fait pareil avec chacune des phrases exposées en dessous. Anna Mohamed.